On partage, tu veux tout. On partait chez tout. Dès qu'on faisait des sous, on mettait tout dans un sicou. Les gens, ils enquêtent. Faut régler tes dettes. J't'avais dit arrête, mais t'as tout mis dans la belle envie. Déo, tu me fais tendu. Nero, tu crois que je suis fou. Mais non, il me faut des dix. Nero. Oh, canalita. Oh, canalito. C'est comme ça la vida. De Marseille à Mexico. Oh, canalita. Oh, canalito. C'est comme ça la vida. De Marseille à Mexico. J'l'ai connu dans la misère. J'avais pas de magot, j'avais pas de sous. J'calcule plus l'été et l'hiver. Je repense à elle des fois quand j'suis sous. J'ai pas écouté ma mère. Pourtant elle m'a dit elle va te rendre fou. J'suis calé devant la mer. Un gros pochon d'herbe et j'repense à tout. J'ai enfumé la pita. Vu en style ma canalita. J'ai plus le cœur habitable. Comment finira qui vivra verra. Oh canalita. Oh canalito. C'est comme ça la vida de Marseille.